pense que c'est mieux que tu nous parles un peu de la maladie de Parkinson. Oui, parce que tout le monde travaillait dessus. Oui, dans mon labo, on travaillait tous là-dessus. Donc, la maladie de Parkinson, ben, c'est la maladie qu'on connaît tous comme les gros tremblements, qui est vraiment caractérisée par les tremblements qui sont très visibles. Les gens qui en sont affectés, surtout des personnes âgées, sont pas capables de tenir un crayon, de tenir une fourchette de façon stable. Donc, des tremblements qui affectent beaucoup la qualité de vie, puis une rigidité musculaire aussi. Donc, une difficulté à... La rigidité musculaire, là, c'est surtout comme une rigidité à... plutôt, une difficulté à initier le mouvement. Donc, la personne veut avancer, mais il y a comme un délai avant qu'elle réussisse vraiment à mettre un pied en avant. Donc, c'est aussi une des caractéristiques, pas seulement avec les tremblements, parce qu'il y a une autre maladie qui ressemble beaucoup, qui est le tremblement essentiel. Mais la maladie de Parkinson, c'est vraiment la rigidité, la difficulté à initier le mouvement, puis les tremblements. Les tremblements. Ouais. Mais juste pour savoir, oui. l'espèce de délai qu'il y a entre vouloir faire le mouvement et le mouvement, je trouve ça curieux. Oui, mais dans le fond, la maladie de Parkinson, au niveau physiologique, au niveau cérébral, c'est la mort des neurones dopaminergiques de la substance noire. Donc, la substance noire, ça fait partie des noyaux basaux du cerveau. Donc, c'est vraiment le cerveau basal, les fonctions primaires du cerveau, il y a le mouvement. Dans le mouvement, ben c'est ça, c'est régi par la substance noire. Donc, toutes les influx, toutes les demandes, par exemple, que le cerveau pourrait avoir pour initier un mouvement, ça passe par là. Puis après la substance noire, ça s'en va vers les nerfs, puis vers les muscles. OK. Donc, il faut que... C'est comme un passage obligé pour toutes les demandes que tu aurais d'initier un mouvement. Donc, dans la maladie de Parkinson, ces neurones-là, ils meurent. C'est particulier, à cet endroit-là, précis physiologiquement, ces neurones-là meurent. Donc, quand tu fais une demande, vu qu'il y a moins de neurones pour aller... qui font le relais, en fait, parce qu'il y en a une grosse... En fait, quand on commence à avoir des symptômes de tremblement, il y a déjà 80% des neurones qui sont morts. Donc, quand tu fais la demande d'avoir un mouvement, il y a littéralement un délai. OK. Parce qu'il y a tellement de neurones morts dans la zone qui fait le relais, qu'il y a littéralement un lag, il y a un délai avant que la personne puisse initier son mouvement. Genre, elle veut... C'est super dur à vivre pour ces gens-là, parce que tu veux mettre le pied devant... Puis ça marche pas. Parce que les neurones qui étaient là pour relayer l'information sont morts. Donc il y a vraiment, vraiment, vraiment un délai. Ben, moi j'ai connu quelqu'un qui avait une forme de Parkinson qui s'était manifestée de manière. Plus jeune? Plus jeune, oui. C'est vrai, ouais, j'oublie. La plupart des gens, c'est des personnes âgées, donc c'est vraiment une dégénérescence qu'on a l'impression qu'il est associé à l'âge, mais il y a plusieurs personnes qui ont une version génétique, donc qui est un peu un problème génétique relié à la maladie, donc ce qui fait que les neurones meurent beaucoup plus jeunes, comme Michael J. Fox. En fait, l'exemple qui est comme célèbre, qui est connu, c'est Michael J. Fox qui a eu la maladie 25-30 ans peut-être, vraiment, vraiment jeune, mais c'est ça, c'est la forme génétique. Donc, il y a déjà un problème, donc les neurones meurent beaucoup plus rapidement. Puis la personne perd son autonomie beaucoup plus rapidement aussi. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que la personne que j'ai connue, qui était dans à peu près une cinquantaine d'années, qui avait des tremblements, puis certaines rigidités, il y avait déjà comme une grosse partie de la masse noire qui était juste plus là. Oui, oui, oui. La substance noire qui... Ouais. Mais, je veux dire, ça fonctionne pareil. Les gens qui ont le Parkinson à un âge assez avancé, ça veut pas dire qu'ils meurent de ça nécessairement. Ça peut venir éventuellement, mais vu que ça affecte souvent des personnes âgées, puis souvent les gens en meurent pas parce qu'ils meurent de d'autres choses, parce que ce sont déjà des personnes assez âgées, malheureusement, quand ça se développe aussi jeune qu'une trentaine d'années, ça peut mener à la mort. D'avoir vraiment, justement, éventuellement, on n'en a plus, puis il y a plusieurs muscles squelettiques qui arrêtent de fonctionner. Ouais, dans ce cas-là, mettons, ça peut affecter les systèmes respiratoires, j'imagine. Oui, oui, c'est ça. Oui. Ça doit être ça la cause principale de décès des personnes que ça se... Mais ça affecte beaucoup le système digestif aussi. Donc, déjà, ouais, ces gens-là, beaucoup de troubles digestifs. Parce que ça roule juste plus aussi bien que ça roulait. Ouais. Oh, ben, c'est... Ouais, c'est une grosse maladie. L'affaire, c'est que comme la version génétique, c'est peut-être 10-15% des patients. On sait qu'il y a vraiment on sait qu'il y a vraiment un gène qui est impliqué là-dedans, mais le restant des gens qui le développent, on n'a pas encore trouvé la cause principale de ça. Il y a quelques petites causes dans certaines populations vraiment plus précises. Par exemple, il y a des fermiers. Je sais plus où ça a été découvert, je me rappelle pas. Mais il y a plein de fermiers qui se sont retrouvés à avoir tout le Parkinson, puis ces gens-là utilisaient un insecticide, tous le même. Donc, ça a été découvert que cet insecticide-là causait la maladie de Parkinson et il est maintenant interdit, je pense, pas mal partout dans le monde. Donc ça c'est comme un bassin de population qu'on a su que ça causait, mais pour la majorité des gens, ma grand-mère a le Parkinson, il y a personne dans la famille qui en a, on n'a pas encore trouvé pourquoi. Il pourrait avoir plein de raisons, justement, comme des produits chimiques auxquels on est exposé, mais pourquoi est-ce qu'une personne par-ci, une personne par-là, on n'a pas nécessairement encore la cause. Les scientifiques s'ostinent beaucoup à savoir beaucoup de possibilités, mais c'est probablement un peu de tout, en fait. Ouais, des facteurs environnementaux, des facteurs génétiques. Ouais, c'est probablement des prédispositions, etc. Mm. C'est probablement un peu de tout. Il pourrait avoir aussi, comme t'es des... Ça pourrait être aussi simple que de s'être cogné d'une mauvaise manière à un moment donné. Ah, ça, je suis pas sûre. Non? OK. Non. Je peux juste dire ça de même pour comme des facteurs. Mais ah, tu veux dire comme les commotions cérébrales? Ouais. Je pense pas que ce soit relié. Non. OK. Ça, j'ai jamais vu ça comme cause. Je pense que c'est plus au niveau du cortex que ça... Parce que la substance noire, c'est vraiment au niveau presque collé sur le tronc cérébral. C'est vraiment très, très central. Fait que c'est en arrière du crâne? C'est vraiment à l'intérieur. À l'intérieur? Ouais. OK. C'est vraiment central. OK. Juste au-dessus. Les noyaux basaux sont juste au-dessus du tronc cérébral. OK. Fait que... Pour me situer... En fait, son tête, théoriquement, c'est, dedans. C'est comme en arrière de mon nez? Ouais! Où c'est que c'est? C'est vraiment au centre. C'est vraiment ce qu'on appelle le cerveau profond. C'est vraiment au centre. Okay. Puis comment est-ce que vous étudiez... Comment est-ce que vous étudiez la maladie de Parkinson comme telle? OK. Donc, nous, on a travaillé sur des modèles cellulaires. Donc, on travaille pas avec des gens, on travaille pas avec des animaux. On travaille vraiment in vitro avec des cellules, avec des neurones, en fait. Donc on est vraiment dans la recherche fondamentale, mais c'est une façon de pas tester n'importe quoi sur n'importe qui puis sur n'importe quel animal aussi. Puis c'est vraiment pour voir fondamentalement, est-ce qu'on a un bon effet si on prend juste des neurones, juste notre molécule, est-ce qu'on a un effet bénéfique? C'est vraiment ça. Donc les cellules qu'on utilise, ben c'est des cellules c'est des cellules in vitro. Mais on les différencie en leur donnant des facteurs de croissance pour qu'ils deviennent des neurones dans nos pétris, dans le fond, dans nos boîtes de pétris. Quand tu dis in vitro, c'est qu'ils sont séparés de tout autre organisme. Oui, c'est ça. C'est des cellules toutes seules. Dans un bocal. Microscopique. Ouais, dans un bocal. Microscopique. Ouais, okay. qu'on peut pas voir, là, dans un bocal. Quand il y en a assez épais, on peut venir en voir, là, mais t'sais, tu peux pas voir une cellule. Tu peux voir si t'as une couche ou un amas ou quelque chose, mais des cellules, c'est vraiment, vraiment microscopique. Par contre, en les différenciant en neurones, on peut vraiment voir les filaments, les neurofilaments, donc les dendrites, les axones et tout. On peut voir ça en microscopie. C'est bien joli. L'espèce de structure en étoile classique du neurone. Donc, la façon qu'on mime la maladie de Parkinson, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est avec le MPTP, dont je ne nommerai pas le nom complet parce que c'est super compliqué. C'est une toxine, c'est une neurotoxine, en fait, qui cause le Parkinson chez l'humain. Ça a été découvert en synthétisant de la drogue, en fait. C'est des... Ouais, ce sont des accros quelque part aux États-Unis qui se sont toutes mis à développer des symptômes de Parkinson. Puis le médecin trouvait ça un peu bizarre, fait qu'ils ont comme... Ils ont suivi la trace de ce qu'ils avaient consommé, ce qui s'était injecté, puis c'était des drogues synthétisées là, dans un sous-sol avec aucun contrôle de qualité ou rien. Puis il y avait un contaminant dans la drogue qu'ils utilisaient, puis c'est le MPTP, qui cause une dégénérescence spécifique de la substance noire, donc qui cause des symptômes de Parkinson. Donc c'est maintenant une toxine qui est utilisée partout pour l'étude du Parkinson. Chez l'animal, ça fonctionne. Dans les cellules toutes seules, ça cause vraiment une dégénérescence. C'est super spécifique, ça fonctionne très bien. Puis c'est ça, ça a été découvert complètement par hasard. Il y a personne qui cherchait ça de façon... Il y avait personne qui pensait que ça se pouvait. Oui, c'est ça. C'est les personnes qui cherchaient ça, ça a juste été découvert. Puis maintenant, ben, c'est super pratique pour la recherche. Parce que ça fonctionne, ben évidemment, on teste pas ça chez les humains. Là. Ah. Mais pour les animaux de recherche, c'est encore la toxine qui est la plus utilisée en ce moment. Est-ce que c'est une toxine toxique? Je veux dire, est-ce que vous travaillez avec des gants, tout ça. C'est, ça passe... Oui, mais ça marcherait, là. Oui. C'est... T'as pas besoin là, de l'injecter là, pour que ça fasse un effet. Là. Tu peux comme... Oh! Je suis pas certaine, mais est-ce qu'on prend le risque? Non, c'est ça. Sure. Non, je travaillais pas avec un gros appareillage, mais quand même avec un masque et tout, parce que okay. Oui, on veut pas prendre le risque de l'inhaler puis que ça cause un problème là, localement au niveau de la tâche olfactive, par exemple, les neurones qu'il y a dans le nez. Non, oui, c'est à manipuler avec précaution, c'est sûr. Salut, Sébastien Monatrois. Bonjour, Gab. Aujourd'hui, tu es là pour nous parler de la synthèse du son. Oui. On va commencer, je pense qu'on va faire ça en deux parties. Oui, ça serait une bonne idée. Il y a beaucoup de contenu quand même. On va commencer par savoir c'est quoi le son. Le son. Ouais, ça peut avoir l'air anodin. C'est quelque chose qu'on rencontre tous les jours. Mais là, on parle de des bruits et non du... Oh mon Dieu, j'avais préparé toute ma feuille de notes selon les céréales. Non, ben, en fait, non. Le son, c'est toujours là, à moins de pas pouvoir écouter le podcast parce que peut-être qu'on est sourd. Mais malgré ça, ça se passe quand même dans nos têtes. Ah ouais? Un petit peu. Il y a, en fait, il y a le son qu'on entend, il y a celui qu'on interprète. Mm-hmm. Et donc, c'est possible pour le cerveau d'interpréter des sons sans que l'oreille participe. Mais si on parle du son au sens physique, comme on va faire aujourd'hui, ben la première étape, c'est de voir le son comme une onde. OK. Une onde, c'est quoi exactement une onde? Parce que en anglais, quand on parle de... En anglais, ils n'ont pas ce mot-là, onde. Ils parlent toujours de vague. Oui, de vague. Est-ce que une onde est une vague? C'est plutôt que la vague est une onde. OK. Ou ce serait la manifestation d'une onde. OK. C'est une onde qui a un petit peu sa complexité au sens où quand on observe les particules d'eau, on peut les voir comme en rotation puis tout ça, mais on peut aussi simplifier la vague là, pour la voir comme un meilleur exemple là, sans se soucier des perturbations puis de comment les molécules d'eau vont bouger. Là. OK. Fait que l'onde du son, c'est en fait quelque chose qui se propage. Oui, exactement comme la vague dans l'eau. Et puis, ça peut se propager autant dans l'air que dans le liquide ou dans le solide. D'ailleurs, les vagues de la mer ne sont pas nécessairement du son, mais si je frappe sur un morceau de bois, je vais avoir du son. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement comme un objet qui résonne pour faire des vagues. C'est plutôt par le vent puis des courants sous-jacents. L'onde, normalement, indépendamment du son, ça se définit comme une oscillation, c'est-à-dire quelque chose qui va bouger, et ce, sur une période. Période, comme on entend quand on dit périodique. Okay. Ça veut dire quelque chose qui se répète. Donc, d'un certain point de vue, si j'ai une masse attachée à un ressort que je tire dessus puis je la laisse bouger d'elle-même, je viens un peu de créer une onde parce que j'ai cette chose-là qui oscille de façon répétitive et que je peux analyser qui va probablement osciller en suivant toujours la même durée approximativement, mais ça peut varier. Le son, contrairement à notre masse, se propage. Donc, une onde, réellement, ça va se diffuser un petit peu partout. Et le son va le faire différemment de la lumière parce que c'est une onde qu'on dit longitudinale. Pour comprendre ce que c'est une onde longitudinale, on est mieux de voir la lumière en premier, qui est une onde transversale. Donc, quand la lumière me parvient, elle va vibrer de haut en bas. Mais elle va se diffuser quand même vers moi. Le son, de l'autre côté, il va avancer et reculer par rapport à moi, mais tout en se diffusant. Donc, c'est quelque chose qui se propage dans le milieu matériel, comme des variations de pression. Ça veut dire qu'il y a des molécules d'air qui vont s'entasser ensemble et qui vont se décoller. Et cet effet-là va entraîner toutes les autres molécules d'air autour. Et il va avoir une espèce de bulle qui va se propager, qui va bouger en fait de moins en moins à cause de la friction. Et éventuellement, ça va arriver à mes oreilles ou à les vôtres, selon où on se place. Dans le cas du son, c'est une énergie mécanique. La lumière, elle, propage une énergie qui est électromagnétique. Elle n'a pas besoin d'un milieu matériel pour se propager. Elle peut se promener dans le vide de l'espace. Mais le son a besoin d'un milieu, tout comme la vague a besoin de l'eau pour exister. OK. Fait quand on dit que le son est une énergie mécanique, c'est parce qu'elle a besoin de matière pour se propager. Elle a besoin de faire bouger quelque chose. Et ça se comprend facilement dans l'oreille si on imagine le tympan qui est frappé par les variations de pression, puis qui va faire bouger les petits os, les trois osselets, si je ne me trompe pas. C'est pour ça que dans l'espace, on dit « personne ne t'entend crier ». Exactement. Parce qu'il n'y a rien pour... il y a un vide matériel à cet endroit-là, donc il n'y a rien pour propager. C'est ça, on peut pas propager le son. On peut imaginer par contre que les personnes qui sont à l'intérieur de la station spatiale, comme sont dans un endroit avec de l'air, ben il va avoir une propagation des sons. Ça veut dire que si on imagine un film comme Star Wars et qu'on entend des lasers dans l'espace, on doit, pour respecter la physique, imaginer que ce que le spectateur entend, c'est les oreilles, par exemple, des pilotes qui sont dans des vaisseaux et le vaisseau va vibrer quand le laser va sortir. Mm. Et ça, peut-être le pilote l'entend. Là où c'est moins réaliste, c'est si le laser siffle dans l'espace alors qu'il y a rien du tout. Ou si, par exemple, il y a une explosion qui est purement, disons, une explosion chimique qui produit peu de radiation électromagnétique. Si, par exemple, j'ai une explosion qui produit plein de rayonnement gamma, qui repousse mon véhicule, ben forcément ça va résonner dans l'espèce de carrosserie, mais s'il y a juste des particules et un espèce de feu, il y aura rien pour m'envoyer le boom supersonique parce qu'il n'y a pas d'air. Juste une petite parenthèse, je trouve ça quand même drôle que tu dis un laser qui scie dans l'espace, parce que les lasers, même dans le... T'imagines que une balle qui passe à côté de toi, ça scie parce qu'il y a un effet genre sur... l'air, tout ça. Ouais. Il y a aussi un effet sur comme le son, puis c'est quoi le nom? Mais ouais. Ben, ce qui est sûr, c'est que la balle tourne pour avoir une certaine portance. Ça va. J'imagine la période de rotation va peut-être générer un son de par elle-même parce que la balle est légèrement irrégulière. Mais tu sais, un laser, ça passe tellement vite à côté de toi que tu peux pas dire que ça scie vraiment. Ben non, effectivement, puis de là à dire qu'il ferait déplacer les molécules d'air par chauffage, peut-être, la diffusion de la chaleur à ces vitesses-là, je suis pas certain, genre, que le laser pourrait Bienvenue à Epistemia, là où on analyse les physiques de Star Wars. Oui, ben oui, parce que ça c'est pas assez vu, c'est pas quelque chose qui se fait vraiment. Donc, c'est l'énergie mécanique qui se propage dans un médium. Mm-hmm. Donc, pour nous, le son en général, ça se propage dans l'air. Oui. Ça rentre dans nos oreilles. Exactement. Mais ça pourrait se propager aussi dans un liquide. Donc, c'est pour ça que c'est possible d'entendre des choses dans l'eau. Des animaux marins qui font de l'écholocation. Puis, c'est possible d'avoir un son dans un solide. D'ailleurs, comme les molécules sont attachées très proches les unes des autres, le mouvement est limité. La vitesse du son dans le solide est presque instantanée comparée à celle de l'air. Justement parce que toutes les particules sont collées, tandis qu'un gaz, c'est des particules qui se rencontrent, oui, mais qui a beaucoup de vide entre elles. Donc, le temps que les particules se fassent frapper par d'autres particules et ainsi se décollent et aillent frapper d'autres particules, c'est non négligeable. Et ça fait la différence entre le liquide, le solide, le gaz. Tantôt, on parlait de l'énergie mécanique, justement à cause de tous ces atomes-là qui sont excités par un mouvement. Et puis, ça explique comment l'être humain va réussir à entendre. Quand je disais que le son est longitudinal, ce que ça implique, c'est que, en principe, comme les canaux de mes oreilles vont, par exemple, de gauche à droite, si j'ai un son qui vient du plancher, l'air va pousser de haut en bas en se diffusant vers les canaux de mes oreilles. Donc, comment je vais faire pour l'entendre s'il peut pas passer par le canal? Ben, il faut juste savoir que les gaz essaient d'avoir une pression constante. Donc, si la pression montante atteint le canal de mon oreille, nécessairement, il y a quelque chose qui va vouloir pousser dans le canal malgré que la direction du mouvement n'est pas la même. Donc, c'est pas comme la lumière qui doit être réfléchie avant de changer de direction. Les particules de gaz vont se comporter comme, comme quelque chose de fluide, justement. Donc, on peut parler quand même de d'autres travaux que j'ai faits dans le cadre de ma thèse, entre autres un travail sur la communication à long terme entourant les sites de stockage de déchets en couche géologique, de déchets nucléaires, pardon, en couche géologique profonde. Donc, le problème nucléaire comme tel. Ouh, là, t'abordes la question. Le problème nucléaire, ouais. Ben, le problème nucléaire, c'est que ça crée des déchets. OK. OK. Des déchets radioactifs. Ok, puis je pense pas avoir besoin ici d'expliquer là, les dangers de la radioactivité. Non, tu rentres en contact avec ça, ça tue tes cellules. Mais ça cause des cancers, éventuellement la mort, ça dépend du degré de radioactivité de la zone dans laquelle tu entres, ça dépend du temps d'exposition, ça dépend de beaucoup de choses. En fait, ça peut changer ta constitution génétique. C'est quand même assez grave, là, dans la mesure où la génétique normalement change sur des très longues périodes de temps à travers des bassins de population. Mais là, c'est dans l'ontogenèse, c'est-à-dire dans la durée de ta vie, la transformation génétique risque bien de... Tu sais, tu vas muter essentiellement, mais les mutations, t'es pas tellement... T'es pas apte à les recevoir. C'est ça. En fait, ces mutations-là te tuent. Ouais. Bon, sauf exception, moi, je connais pas d'exception, là, je pense pas. Toutes les mutations sont des maladies, finalement. Soudainement, t'arrives pas à voir à travers les murs. Ce qui arrive plutôt, c'est que tes cellules changent et tes yeux, ils désintègrent. Mais pour revenir aux déchets... les déchets nucléaires. Ça, c'est plus de l'ordre de la tragédie, en vérité, même si on le réalise pas tellement. Pourquoi je dis que c'est une tragédie? Parce que ça menace, en fait, l'entièreté de l'espèce humaine, et même au-delà tout le règne animal et éventuellement végétal, etc. Finalement, ça menace la vie sur Terre, l'équilibre de nos écosystèmes, etc. Parce que ça affecte pas juste les humains, ça affecte n'importe quoi qui est cellulaire. Ouais. Mais bon, nous, on connaît bien les effets que ça fait sur les humains, mais si tu vas à Tchernobyl, apparemment, il y a des espèces qui se portent très très bien, notamment parce que les humains sont partis, donc ils ont réclamé un peu leur espace de vie. Il semble que leur mutation leur aurait été profitable à eux, bon, dans certains cas. Oui, il y a plusieurs séries de photos comme assez intéressantes produites dans Tchernobyl. En effet. Mais dans tous les cas, pour nous, c'est pas du tout souhaitable. Puis on voit que les catastrophes issues de l'exploitation nucléaire civile, que ce soit justement Tchernobyl, Three Mile Island aux États-Unis, qui était essentiellement la première, puis la plus récente, Fukushima. Fukushima Daiichi. C'est des catastrophes environnementales graves, des catastrophes humanitaires également. Donc l'exploitation du nucléaire civil entraîne des problèmes en soi, okay? Des dangers, des risques. Bon, après, les gens qui s'occupent de l'analyse des risques, du calcul de risques, vont te dire que les risques sont faibles et que les mérites de cette source énergétique sont plus grands que les désavantages. Bon, c'est une manière de voir les choses. C'est un autre débat. C'est pas du tout le débat sur lequel porte mon intervention ici. Ouais. C'est vraiment sur la question des déchets. Okay? Peu importe si le nucléaire, on est pour ou on est contre, il faut reconnaître que le nucléaire produit des déchets radioactifs dont on n'a aucune manière de... On peut pas les faire disparaître. On peut pas s'en débarrasser. Aucune manière de s'en débarrasser. Ouais, ça produit quelque chose de physique qui est là, ouais. qui est là pour longtemps, si je comprends bien. Ben c'est ça, en fait. Les isotopes là, radioactifs varient en fonction des déchets, mais... C'est quoi la demi-vie d'un déchet radioactif? Ben c'est ça, c'est variable. Ceux qui sont hautement variables, ceux qui causent les plus gros problèmes. Ben ça peut être de 10 000 ans à 2 millions d'années. 2 millions d'années. Ouais. Ah, c'est ce qu'on n'a pas, on a pas décrit le genre de site de stockage en question. Okay. On parle de sites de stockage qui sont entre 300 mètres et 1000 mètres de profondeur sous la surface de la Terre. Oui. Dans lesquels on descend les déchets et éventuellement on scelle le lieu et on n'y retourne jamais. Bon, en tout cas, maintenant il y a des débats, est-ce qu'on va vouloir y retourner plus tard parce qu'on se dit, ben là, peut-être que quand l'activité radioactive va avoir décru, on voudrait récupérer le plutonium pour avec les résidus de déchets de plutonium. Non, on peut peut-être trouver des choses à faire avec, etc. C'est ça. On peut pas prévoir dans la valeur de ce métal-là dans l'avenir. Actuellement, le débat en France, par exemple, c'est on voudrait que ça puisse être que les sites puissent être réouverts après une certaine période. Mais bref, on part de l'idée qu'ils sont scellés à jamais, disons qu'une société découvre des ruines, puis se dit « Ah, je vais aller fouiller là », comme on a découvert la pyramide d'Égypte en se disant « Ah, on va aller fouiller, d'ailleurs on a trouvé des trésors ». Donc on veut pas qu'il y ait des gens qui creusent aux endroits où on en fouille. Non, c'est ça. Donc il faut couvrir une grande surface. Ben, on veut les repousser de ces zones-là. Ok. Donc, une des solutions qui était avancée, justement, c'est de faire une espèce de grosse pierre de rosette tout autour, disons, d'un site de stockage, comme un grand anneau qui ferait, je sais pas moi, 1 km, 3 km de diamètre, dépendamment de la grosseur du site, ben, de son entrée. Un grand Stonehenge. Ouais, puis tout autour serait écrit, dans le fond, les indications, puis au fur et à mesure que les langues changeraient, on ajouterait des anneaux. Ça aurait pour effet, donc, de... En plus, c'est pratique. On aurait une immense pierre de rosette qui enregistrerait plein de langues de l'humanité. Puis, ça grossirait, en plus, la zone d'écart. C'est la zone par rapport à laquelle on veut mettre les gens à l'écart. Puisque plus on ajoute de langues, plus les anneaux, finalement, épaississent. Mais le problème, c'est l'entretien. Ouais, ça, donc, c'est... Nous, on vise un système qui est auto-entretenu. Parce qu'on peut pas se fier à une institution, dans le fond, pour le faire. Ouais, les institutions de nos jours sont assez fragiles. Ben, oui et non, là, mais disons que... L'institution de la démocratie. Ouais. Donc, une autre solution qui a été amenée de l'avant, c'est... D'ailleurs, c'est drôle, cette solution-là a été avancée par... Stanislas Lem, qui est l'auteur de... Solaris. Solaris, ouais. Alors, lui propose... de créer des fleurs informationnelles dont on aurait modifié l'ADN pour qu'elles tiennent en elles l'information requise, comme des, disons, pour simplifier les choses, disons, des données informatiques codifiées dans l'ADN mathématique des fleurs. Puis, comme ça, tant que les fleurs perdurent, puis on s'arrangerait pour que les fleurs prolifèrent particulièrement sur les sites où les déchets radioactifs sont enfouis. Donc, on s'assurerait donc de garder l'information puisque l'ADN se réplique à travers la reproduction. Faut bien un auteur de science-fiction pour trouver une solution comme ça. C'est quand même original. C'est vraiment beau. Mais je me demande à quel point c'est pratique, vu qu'on sait déjà que la radioactivité, ça dérange l'ADN des choses. Ouais, tout à fait. Puis aussi, en fait, à l'époque où il a écrit ça, il n'y avait aucune manière de faire ça, codifier de l'information dans l'ADN. Et étrangement, je me suis rendu compte que pendant mes travaux là, pour rédiger cet article-là, dans mes recherches, j'ai trouvé que la recherche de pointe en DNA computing... génétique et sur le point en fait développe des méthodes pour réussir à faire ça. Wow, ok. Ouais. Ben, on a déjà des instruments comme CRISPR qui Ah ouais, mais là, c'est vraiment d'un autre ordre, en fait. C'est pour le stockage, vraiment le stockage... Ok, oui, d'informations. D'informations dans l'ADN permettrait, en fait, de révolutionner un peu le stockage informatique, dans la mesure où... Avoir des disques durs, mais avec... fait en ADN. Et surtout, la quantité que tu peux stocker est exponentielle. Ouais. Mais ça implique, disons... Tu sais, ça ouvre tout un champ là, éthique et... En tout cas... c'est pas une solution qui est retenue là, dans le cas de notre problème. Une autre des solutions qui implique aussi l'ADN, c'est de modifier l'ADN des chats pour que d'une espèce de chat, j'imagine, pour que en présence de radioactivité, les chats deviennent, par exemple, vert fluorescent. Donc là, en soi, c'est pas une solution parce que la fluorescence est un signe arbitraire. On peut pas savoir que parce qu'un chat devient fluorescent, il y a de la radioactivité dans les environs. Pour ça, il faut avoir, faut connaître le code, dans le fond. Mais le code, on doit le transmettre. Donc, l'autre partie de la solution, c'est d'inventer des comptines, des chansons, des refrains, qui seraient enseignés là, à la petite école, à la garderie, tout le temps. Puis ce serait essentiellement là, des chansons dont les paroles seraient « Si tu vois un chat changer de couleur, vite sauve-toi, éloigne-toi, amène avec toi toute ta famille, vite déguerpille. » C'est reprendre le principe du chat noir, mais avec une autre pratique concrète. Ouais, dans le fond, là, ça joue clairement sur la superstition, puis sur le folklore... mais encore une fois, il faut compter sur le fait que cette chanson-là va continuer à être enseignée pendant 10 000, 100 000 ans, ce qui est vraiment incertain. C'est essentiellement de passer l'information à travers la culture, c'est ça? Ouais. Mais ça reste une partie de la solution qu'on va voir plus tard. Cette solution-là n'a pas été retenue, premièrement parce que il n'y a rien qui dit que si on change l'ADN des chats, ils vont rester dans les zones là où il y a des sites. Les chats font bien ce qu'ils veulent. Ça pose des problèmes éthiques aussi. Là. De quel droit on changerait la génétique des chats, etc. Ouais, et évidemment, les chats, ça peut procréer entre eux. Puis on change comme l'ADN de ben oui. Pas juste une espèce de chat, mais en fait, potentiellement tous les chats. Bon, non seulement puis c'est comme les pyramides, éventuellement, on pourrait se dire, il y a des modes. Ah oui, les chats fluorescents sont vraiment beaux. J'adore ça. Puis là, tout le monde va mettre son chat fluorescent sur Instagram. Tu sais. Fait que ça va échouer. Juste pour dire, toutes les solutions jusqu'à date ont quand même un côté attrayant qui pourrait susciter la fascination. Oui, c'est ça. Mais c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi j'ai particulièrement aimé travailler sur ce sujet-là parce que je suis passé de fascination en fascination et de complexification en complexification.